Résumer un petit peu ce qui s'est passé depuis les dernières sessions, notamment pour toi, Tori, qui n'était pas là la dernière fois. La fameuse tempête dont vous aviez entendu parler, en tout cas dont l'annonce avait été faite à plusieurs reprises et que vous aviez vous-même aperçue à l'horizon, a fini par s'abattre sur la ville de Justicienne, ce qui fait que cette dernière se retrouve relativement coupée du monde. Il est difficile d'en sortir, les gens sont obligés de porter leurs masques. On a des tonnes et des tonnes de sable slash de poussière qui s'abattent sur la ville chaque jour. Enfin, des tonnes, façon de parler. Ce qui fait que voilà, la vie est encore plus difficile que d'habitude. Les rues sont relativement désertes et vous êtes obligé d'attendre les quelques heures de la journée où le vent n'en cesse de souffler pour sortir. Le reste du temps, en fait, vous êtes cloisonné à l'intérieur. Et sans trop savoir combien de temps ça va durer, vous espérez simplement que les choses vont bien se passer. On imagine parfaitement que si jamais cette situation de confinement venait à perdurer, on pourrait avoir des soucis presque de famine qui pourraient rentrer en lieu, donc pourquoi pas des soulèvements de population, voire des émeutes, sans parler des récoltes que vous attendiez pour plus tard, qui vont être fortement touchées. C'est donc une situation assez critique qui s'annonce. Néanmoins, les gens essaient de vivre un petit peu comme ils le peuvent. Dans quelques semaines, les derniers ferrailleurs auront quitté la ville pour... en tout cas, la Borca de... auront quitté cette zone de la Borca pour aller plus vers l'est, à la chasse aux artefacts. Et on espère que d'ici à ce qu'ils reviennent, on ait réussi à restaurer la situation. Toi, de ton côté, la dernière fois, tu t'es rendu quelque temps au hôpital à nouveau pour travailler, pour effectuer quelques missions. Et on va reprendre au moment où tu retournes du coup en ville, donc on va dire sur le moment de ton retour, tu sais pas ce qui s'est passé la dernière fois, non? Et simplement tu traverses à nouveau la ville. Donc il t'a fallu voyager aux premières heures de la journée, ça soufflait très peu, mais néanmoins t'as dû t'équiper d'une espèce de grande cape à fourrure pour... en fait tout simplement tu sais... pour te protéger de la poussière et du sable lors des quelques bourrasques. Évidemment, tu possèdes ton masque. D'ailleurs, tous les gens que tu croises ont un masque à gaz au moins sur le visage et passent leur temps à l'essuyer pour essayer d'y voir quelque chose. Alors que tu rentres en ville, en effet, tu vois quelques silhouettes de personnes qui se déplacent, sans doute des ferrailleurs, peut-être quelques chroniqueurs, quelques juges également posés en haut de leur mur. Et tous, voilà, vêtus de grands vêtements, pour justement pouvoir se protéger. Rien qu'une bourrasque et un peu de sable en pleine figure, ça peut faire mal, mine de rien. Ça abîme la peau, donc voilà, les gens essaient de se protéger comme ils le peuvent. T'aperçois aussi des gens qui mettent comme ça des grands draps au niveau de leurs fenêtres, ce qui fait déjà de un qu'on voit pas de l'autre côté, mais surtout que même quand les tempêtes envoient des détritus en fait, à travers les vitres ou autres qui sont de très mauvaise qualité, ou même par exemple sous les portes, ça retient en fait, ça fait une espèce de double protection qui est quasiment obligatoire, voire s'en protéger. En tout cas, de manière relativement bien. Tu vois également dans la rue quelques personnes, surtout des condamnés aux travaux forcés par les juges, qui sont là en train de les déblayer et d'arranger tout ce qu'ils peuvent. Également, il y a des choses qui sont tombées comme des poteaux, etc. Plusieurs parties de la ville où... il y avait l'électricité, en ont été privés, et c'est leur job, entre autres, de réparer tout ça. Pendant ce temps-là, vous vous trouvez tous, en tout cas, de votre côté, Mokosh et Efflux, à l'intérieur, du coup, du camp de Efflux. Efflux, toi, t'es en train de travailler dans l'arrière-boutique, arrière-boutique, entre guillemets, encore une fois sur le corps de la machine de Hamsumo lorsque Jacquard décida de s'absenter pour rejoindre l'une des casernes. Il avait affaire. Un rendez-vous avec le commissaire Prael a-t-il invoqué. Au bout d'un moment, tu entends toquer au niveau de ta porte principale. Si personne n'y va, je m'y rends. Eh bien, en effet, tu vois que tes francs-tireurs, comme ils les aiment se faire appeler, attendent un petit peu, en fait, voir si toi tu t'y rends justement, ou si c'est à eux de le faire, en fait. Si jamais tu bouges pas, tu sais qu'ils vont se lever et faire. J'y vais. Hein. Donc, au moment où tu t'y rends, bah, de ton côté, t'es en train de travailler avec Maria et Noah, tandis que Bambino et Casse-Gueule, eux, faisaient un petit peu leur vie de leur côté. Tu t'y rends et au moment où tu ouvres la porte, tu vois la silhouette d'un spitalier apparaît. Mais pas Torik. Un autre. Un homme avec un masque à gaz qui couvre en partie son visage, une espèce de grand manteau, et l'attirail assez classique du famulancier, donc moins bien élevé au niveau de la hiérarchie que Torik. Et derrière lui, plusieurs grosses caisses qui semblent provenir d'une espèce de charrette avec un cheval qui est accroché. Tu vois qu'il a l'air d'en avoir distribué un peu à toute la rue et il vous fait « Bonjour !» L'hôpital souhaite offrir des provisions aux membres de justicienne. Au cas où la tempête viendrait à se prolonger, ce sont des réserves de nourriture de secours à n'utiliser qu'en cas d'extrême urgence, seulement s'il venait à vous en manquer. Nous espérons ainsi éviter une quelconque crise due au manque de nourriture en ville. Avez-vous un endroit où entreposer ces quelques caisses et combien avez-vous ? Alors, nous avons effectivement un endroit, de toute façon, tout ici est un local. Et on est 8, il me semble. Très bien. Tu vois qu'il regarde un petit peu comme s'il comptait un petit peu les gens qui se trouvent de l'autre côté. Y a Noah et Maria qui se montrent également alors qu'ils se trouvaient à l'arrière. Et puis bon, il voit pas exactement le nombre, hein, il a peur de se poser plus de questions. Et puis il commence à décharger les caisses avec deux autres personnes qui se trouvent derrière, qui semblent aussi être des hospitaliers, en tout cas ils ont tout la tire. Il vous installe ça dans l'arrière-salle, vous refont un petit peu les consignes, donc on ne les consomme qu'en cas d'extrême nécessité. Voilà, c'est vraiment les provisions d'urgence. Quoi. Là-dessus, ils vous disent également que si jamais vous avez le moindre problème, il faut vous adresser aux casernes de juges. Et vous remercie et semble aller directement toquer à la maison voisine. Puis, un peu plus tard, de nouveau, la toque porte, bien évidemment. La porte se met à toquer. En tout cas, pas la porte directement, puisqu'il s'agit surtout, cette fois-ci, bel et bien de Torik, juste derrière. Cette fois-ci, c'est Bambino qui vient lui ouvrir. Bonjour, mes amis. Alors, comment ça se passe pour vous ? Ça va, avec la tempête ? Bonjour, messire Torik, te dit le petit garçon. Qui me rappelle la queue devant. Ça va, petit ? Ça va, oui. Et vous ? Bah, écoute, ça irait mieux sans cette tempête. Mais bon, fais-moi entrer. Pas trop envie de prendre trop le sable, si ça te dérange. Tu es entré, en effet, il t'aide à décharger ton grand manteau qui l'accroche et qui va taper contre le mur de la porte, enfin de mince, de la bâtisse. Tu sais, il sort et il la secoue contre pour essayer de retirer le plus de sable possible, puis il rentre à nous. Merci, tu vois également qu'à l'intérieur, les à peu près mêmes aménagements que de l'autre côté de la ville ont été effectués. Et d'ailleurs, j'en ai pas parlé, mais en plus des draps qu'on accroche aux fenêtres, on branche également quelques petites lampes à insectes, puisqu'on a peur que le vent attire des bestioles porteuses de spores, notamment. D'ailleurs, je précise aussi, la dernière fois, vous aviez l'électricité qui avait été coupée. Depuis, elle a été remise. Le petit groupe de Torik, de Flux, s'en est occupé. Bah, du coup, je me dirige dans la pièce où je pense ils sont. Mmh. Oui, en effet, c'est une espèce de grande pièce principale. En fait, c'est vraiment composé en deux pièces majeures. La première, tu vas y trouver, en fait... Alors, avec le temps, ça ménage un petit peu, surtout que les gamins récupèrent pas mal de choses. Ouais. En fait, ça ressemble un petit peu à une espèce de grand bazar, avec, dans la pièce principale, des espèces, on va dire, de grands canapés un peu poussiéreux, un peu de la récup, avec pas mal de ferraille aussi installée. Des espèces de petites tables en fer qui ont été installées sur lesquelles on pose des choses et sur lesquelles les gens s'assoient, discutent, vont manger, boire. En tout cas, c'est là qu'il y a les réserves. Après, Flux me dira si jamais il avait des aménagements particuliers à faire. C'est là qu'également tu vas avoir quelques fenêtres qui vont donner sur l'extérieur. C'est une petite bâtisse, mais mine de rien, elle est quand même assez large, surtout qu'il n'y a pas beaucoup de choses à l'intérieur. Donc on ne se sent pas trop à l'étroit. Puis on va également avoir une espèce d'arrière-salle qui est généralement coupée de la première par un grand drap où là on installe tout ce qui est un petit peu, on va dire, tout ce qu'on n'a pas forcément envie de montrer. Et là par exemple, lorsque les hospitaliers se sont rendus pour déposer des caisses à l'arrière, il y a Maria qui a assez mécaniquement installé une espèce de petit drap sur les affaires, notamment la machine de Absumo. On n'aimerait pas que tout le monde sache qu'il y a ce genre de choses ici, quoi. Bon, comment ça va, mes amis ? Bien, et toi ? Oui. Bah, ça va. J'ai eu pas mal de boulot ces derniers temps, mais sinon, ça va. Et vous ? Ça s'est passé comment ? Le mieux que ça pouvait se passer. On a eu à régler juste une petite affaire avec ceux avec qui on avait voyagé, la famille, je sais pas si tu te souviens. Oui. Je vois, ouais. Ils avaient un problème avec Ils avaient un problème avec le propriétaire de la maison qui louait ou quelque chose comme ça. D'accord. D'ailleurs, je précise qu'ils sont revenus depuis pour vous dire en effet que les choses s'étaient arrangées. En tout cas, vous avez fait en sorte que ce soit. Donc tout se passe bien désormais, et d'ailleurs, ils vous remercient. Et il est où, Jacquard ? Il vient de partir. Mais juste avant ton départ, plus ou moins. Ah, ok. Bon, bah, dommage, je l'ai loupé. Et savoir un petit peu comment ça allait au niveau de ses blessures, s'il cicatrise bien. Je pense qu'il cicatrise bien. J'espère. Faudrait que je jette un œil la prochaine fois que je le vois. Bon, sinon, vous avez bien reçu les caisses de provisions que on vous a envoyées ? À l'instant, avant juste que tu arrives. Alors, d'ailleurs, toi, Tori, que tu n'étais pas spécialement au courant de ce geste fait par l'hôpital. On ne tient pas vraiment au courant de ce genre de choses. Toi, tu t'occupes surtout des malades et pas vraiment des relations, on va dire, entre l'hôpital et les gens juste ici. Bah, en fait, d'ailleurs, c'est que j'ai juste vu des collègues dans la rue avec des charrettes qui transportaient des provisions. Donc, comme j'ai déjà c'est déjà arrivé une ou deux fois depuis que je suis au hospital de voir ce genre de procédure. Bon, j'en ai déduit que ce qui se passait, que ça allait arriver. Que l'hôpital fasse ça, en effet, pour simplement, ils aiment bien essayer d'améliorer leurs relations avec certains quartiers. D'ailleurs, tu peux supposer qu'ils en ont pas donné à toute la ville, mais seulement au coin où ils voulaient avoir les gens dans leur poche. Ouais. D'ailleurs, j'aimerais vous demander quelques jets. Donc là, au moment où tu t'installes, pour l'instant, vous n'avez pas spécialement de choses de prévues, en tout cas dans l'immédiat. Vous savez qu'aujourd'hui, d'après les quelques messages des chroniqueurs qui passent de temps en temps en ville et que vous pouvez entendre, a priori, il ne va pas souffler pendant les quelques heures ce matin. Donc si jamais vous le souhaitez faire des choses... Enfin, je dis ce matin, mais en vrai, il n'est même pas si tôt que ça. En soi, là, on est presque en début d'après-midi. Si jamais vous souhaitez faire des choses, ça sera à peu près maintenant. Et en profiter également pour toi, Flux. J'aimerais te demander des jets. J'aimerais demander en fait des jets pour essayer d'apprendre tes compétences un peu au fur et à mesure à tes petits compagnons. Donc je te propose, tu sais, simplement, on va dire, pendant ton temps libre, alors c'est pas forcément là tout de suite maintenant, on peut considérer que ça a démarré un petit peu avant, mais il faut bien faire du jet au bout d'un moment. Mm-hmm. Si tu souhaites, on va dire, apprendre quelque chose, soit à Marianne, Noah, ou à Bambino, ou Passe-Gueule, bah n'hésite pas, et écoute, et... En tout cas, lequel d'entre eux tu fais passer en premier et qu'est-ce que tu souhaiterais exactement lui apprendre à peu près? Moi, je vais aller sur Noah parce que il a pas mal de connaissances en artefact lore et j'aimerais bien approfondir ça avec lui, passer vraiment du temps. C'est quelque chose qui peut être très pratique pour moi. Ouais. Alors. Du coup, on essaie de passer du temps avec Noah. Tu vas essayer de lui apprendre notamment le fonctionnement des pièces. Et également, comment est-ce qu'on sépare les différents éléments, qu'est-ce qui sert plus ou moins quoi, comment est-ce qu'on détermine son prix, etc. Et pour ça, je vais te demander un jet de charisme. Il me semblait qu'il y avait une compétence comme ça pour apprendre des choses, mais j'ai beau le chercher. Leadership. Leadership, ça pourrait être ça, ouais. C'est clairement pas. Ou expression peut-être, mais. Ça me va pas. Ah si, enseignement en effet. Charisme, expression plutôt. Ouais. Ça, ça fait penser. Dans tous les cas, ça me fait 7 dés à jeter. Ouais, parfait. C'est pas pratique. Il me faut un petit truc pour jeter. Donc ça, c'est mort. Donc. 3 réussites, un déclencheur. Ok. Tu vois qu'il est relativement réceptif. Il va falloir un petit peu de temps, le temps que tout cela prenne racine chez lui, mais c'est déjà ça, quoi. Ça commence petit à petit. Parfait. Est-ce qu'il y a d'autres choses que vous souhaiteriez faire, alors que ce soit à l'intérieur du bâtiment ou même en ville, le temps que la tempête reprenne? Bah, moi, là, pour l'instant, mis à part discuter un petit peu de ce que j'ai loupé avec les poteaux, parler peut-être même un petit peu de cette machine... et comment il s'en sort avec ça. Parce que personnellement, j'y connais rien, donc... faire un peu la conversation pendant que... on peut pas trop bouger. Et est-ce qu'il y a une évolution, d'ailleurs, sur la machine d'entre les deux sessions? Je vais te poser qu'on fasse le jet. Je pense que... agilité crafting... ouais. Quoique, non, c'est plutôt intellect engineering. Tu sais que la dernière fois, tu m'avais demandé les deux, justement. Oui, justement, j'avais fait un petit combo entre les deux, ouais. Mais écoute, c'est quoi, on va refaire un combo entre les deux. Surtout le premier qui compte, donc l'engineering, mais en effet, le crafting pour avoir un certain intérêt. Ok. On va dire que c'est un petit peu un bonus. Bon, c'est pas incroyable, 3 réussites. Pas de déclencheur. Et crafting, bon, j'ai encore moins de dés. Ah, sachant que je t'avais autorisé à lancer des échecs. Oui, parce que c'est vrai, artefact lore, j'ai Noah. Et sur crafting, j'ai Mariette. C'était un ou deux déjà. Attends. Je l'ai pas noté, ça, désolé. Je note un peu tout, mais pas ça. Bon, un, ça me suffit, t'inquiète pas. Enfin... Je retrouve plus non plus où j'ai noté, désolé, faudra que je... Ouais. On dit un pour ce soir, comme ça, dans tous les cas. Là, en effet, disons un. De toute façon, c'est déjà quasiment suffisant. Donc. Du coup, artefact engineering, ça me fait 4 réussites. Et crafting, je réutilise le jet du coup de... Ouais, ça me fait 3 réussites, un déclencheur. Donc en tout, 4 réussites et 3 réussites, un déclencheur. Ok, d'accord, parfait. En effet, depuis, vous l'avez totalement désossé, vous avez à peu près appris le fonctionnement de chaque élément, vous avez commencé à en reconstituer certains, va dire de manière un petit peu côte à côte, et même à l'intérieur, tu sais, à tisser des câblages, à voir à quoi tu pourrais les raccorder à la place, etc. Enfin, vous seriez même capable de le rehausser, de le désosser, puis de le réassembler juste après. Oui, bah, commencer à bien comprendre le système interne. À force de l'étudier, en plus, vous n'avez pas grand-chose d'autre à faire, donc les choses se passent bien. Bah, du coup... Oui. J'explique à Tommy que le désossement se passe bien, qu'on va pouvoir conserver tout le circuit électronique, et que du coup, on va pouvoir se séparer du bras et de la jambe pour les donner à Jacques. Et de notre côté, on ira forger des nouvelles pièces pour remplacer ça. Donc, c'est magnifique. Ouais. Surtout quand il marchera et qu'on pourra plus ou moins le commander, ça peut être déjà très pratique d'avoir ça. Si vous l'avez affronté, vous savez un peu ce qu'il fait. D'ailleurs, pour détailler un petit peu plus l'objet en question, pour marquer donc en effet qu'il s'agit d'une espèce de méca d'avant-guerre qui a été conçu vraiment avec du matériel d'extrême qualité. C'est vraiment un niveau technologique vraiment époustouflant. Qu'il y a des parties de son armure qui sont blindées et des systèmes de géolocalisation ainsi que de cerveau numérique. Enfin, c'est vraiment un bijou technologique. Qui sans doute d'ailleurs pour intéresser le serveur si tu souhaitais leur donner. À moins que tu souhaites en faire quelque chose de personnel. Moi personnellement mon intention première c'est vraiment de que Jacquard puisse. Oui, mais ça s'établit ça. Hein? Ça c'est établi. Oui, ça. Oui, non, c'est ça, c'est vraiment. Après le reste, moi. Principal. Après, vous en faites ce que vous voulez. Oui. Non. Excusez-moi. Parfait. Y a-t-il d'autres choses que vous souhaiteriez du coup faire en particulier? Je sais qu'il y avait des histoires d'armure que vous aviez potentiellement commandées. Vous souhaitiez peut-être retourner chez le forgeron. Tiens, si, il y avait peut-être un truc que je peux faire. Ah, de ton côté, oui. Je vais inspecter un petit peu les blessures de Mokosh. Voir comment elle va depuis. Ce petit incident qui nous a un petit peu... Il y a déjà une remarque, si Mokosh se laisse inspecter, qu'elle va relativement mieux, mais est encore blessée, donc si tu veux, je peux te proposer de me faire un petit jet de soins pour essayer de... Il faut que je le réussisse, hein, je vais pas te... graver les... Attends, c'est quoi ça? Attends... Un jet de médecine, allez. Mon premier jet de la soirée. Échec critique. Mon coche est paralysé depuis. Voilà. Ça va comme ça? Est-ce que ça te va, MJ? Alors, tu as fait combien? Oula, alors. 3, 4, 5 réussites. Oh oui. Alors. Je vais regarder les règles de médecine. Après, malheureusement, j'ai pas fait de déclencheur, mais. Parce que les déclencheurs, ça m'aurait alors, fait déjà, des. Il y en aura une de ce qui sera gratuite de points de santé, puisqu'il y a un jour qui s'est écoulé, ça je vais vous l'appliquer à tous. Mais également, donc, intelligence plus médecine avec une difficulté de 2, c'est réussi. Guérison de 1 plus nombre de déclencheurs. Malheureusement. Donc, mon coach va être soigné de 2 points. Et nos égos, depuis le temps, ils ont pas. Alors, en effet, ils vont monter aussi, mais comme je vous l'avais dit. Je les fais remonter plus doucement étant donné que vous êtes dans une situation un petit peu plus compliquée. Notamment, vu qu'il y a la tempête, mine de rien, vous mangez moins, vous rationnez un peu plus. Donc ça augmente plus doucement. On n'est pas dans une situation, on va dire, de confort optimal malgré tout. Ok. vous met à jour tout ça. Ça c'était bon. Tac. Et on reste plus que Toric. Donc. Toric depuis donc tu as été soigné complètement. Donc il reste plus que mon cloche qui est encore un petit peu blessé. Et Toric en plus tu as récupéré tout ton ego. Donc toi Toric t'es vraiment tu pètes la fin. Tu subis encore quelques conséquences des dernières parties. C'est un petit peu ça aussi l'idée. C'est vrai que souvent vous êtes assez vite soigné de tous les dégâts précédents parce qu'il y a souvent des petites ellipses, des choses comme ça. Là, j'essaye de plus garder sur le long terme les, on va dire, entre guillemets, cicatrices. C'est bien qu'elles ne soient pas que physiques. Du coup, à part ça, quel est le programme? Puisque pour l'instant, vous n'avez pas spécialement de choses à faire, en fait, techniquement. Vous savez que, du coup, depuis les dernières missions qui ont été assez mouvementées, le commissaire Poirier, elle, et notamment le reste des juges, sont en train de discuter par rapport aux informations que vous avez recueillies. Vous attendez, entre guillemets, que le dossier retombe ou vienne potentiellement. Vous ne savez pas si vous allez devoir faire d'autres choses, si ça va se faire tout seul. Donc là, vous êtes vraiment dans une petite période de la justicienne où bah, vous subissez un petit peu la tempête et où les choses se passent. Très bien. Quoique j'ai fait déjà beaucoup de choses, je sais pas. Non, c'est vrai. Bah, vu que tout le monde a déjà fait quelque chose, enfin tout le monde mis à part moi, je pense que s'il y a moyen, je vais refaire un crochet très rapide par l'épave pour voir si ce que j'avais demandé a été fait ou pas. Très bien. Si je peux avoir les fameuses informations sur le monsieur, ce serait bien. Je vais sûrement aller demander directement à Alina, vu que c'est elle la première concernée. C'est son information en question que tu voulais, c'était Les informations qu'elle utilisait elle-même pour chanter, pour faire chanter le propriétaire. Et on les avait pas eues, oui. Finalement, je sais plus. Elle vous en avait donné une partie, mais en effet, il me semble que c'était pas en détail. Il y avait une histoire sur le fait qu'il avait tué son frère, mais on n'en savait pas plus que ça, donc... Si je... Ouais, non, je comprends, il faut savoir exactement comment, qui... Le contexte est... Ouais. Donc en effet, tu te mets à retraverser la ville en direction des parcs. Est-ce que tu y vas seul ou est-ce que tu décides d'être accompagné ou souhaites être accompagné? Visiblement, plusieurs personnes ici connaissent le chemin. Eh bien, si mes compagnons principaux, c'est-à-dire Fluxus et Toric, veulent m'accompagner, ils peuvent. Mais je vais pas aller demander à d'autres personnes, même si elles pourraient connaître le chemin. moi, j'accompagne. Ouais, moi aussi, ouais. Ah, toi, ça fait longtemps que j'ai pas vu. Oui, c'est vrai, ouais. Donc, moi, il faut que je comprenne qu'est-ce que fait la casse-gueule là-bas exactement. C'est pas difficile à comprendre, non. Je ne sais plus. Vous vous rendez à l'épave. Cette dernière est bien vide. Surtout à cette heure-là de la journée, il y a relativement peu. Même si d'habitude il y a un petit peu de monde qui s'y balade. C'est pas le cas, bon, effectivement la tempête n'est pas, et puis les rations de ces dernières commencent à se vider aussi petit à petit. Vous vous doutez que l'approvisionnement, je vais parler, en bourgeon de brûlure doit être fortement réduit. Et une fois à l'intérieur, vous essayez de retrouver la fameuse pierre. Ça doit pas être difficile à trouver, il y a quasiment personne. En effet, vous arrivez à la retrouver en demandant quelques questions, on vous dit simplement, en fait on vous en envoie jusqu'à la dernière, jusqu'à la même pièce que la dernière fois. D'ailleurs, est-ce que vous résumez un petit peu ce qui s'est passé à Toric sur le chemin? J'imagine que oui, on en parle plus en détail à Toric sur le chemin. Le fait donc, je vais faire le résumé comme ça. Ouais, le fait que donc nos chers amis du voyage, la famille avaient des problèmes donc avec leur propriétaire, et que ce propriétaire lui-même justement leur posait problème parce que par telle ou telle magouille en fait il était lui-même à la merci d'une pie qui avait des informations compromettantes sur lui. Donc on a réglé ce problème là pour régler le problème de la famille, et maintenant je cherche juste à savoir un peu plus de comment elle le faisait chanter. D'accord. Ok, ok. Écoute, si je peux être d'une aide quelconque, je serais ravi de t'aider. Ouais, déjà rien que la présence d'un hospitalier, je pense que ça aidera. La dernière fois, on était avec un juge, maintenant on est avec un hospitalier. Ils vont comprendre qu'on a des bons contacts. Vous avez le bras long. Non. En effet, je ne l'ai pas précisé, mais évidemment que la présence hospitalier voilà, n'est pas non plus complètement anodine sur l'épave. Même si, bon, encore une fois, il arrive qu'il y en ait qui passent en plus hospitalier un petit peu cet avantage de tous se ressembler, donc ils peuvent plus ou moins espérer passer, on va dire. Enfin, être plus difficilement reconnaissable une fois sur place. Avant, jusqu'à quel degré? Donc en effet, ça grommelle un petit peu à certains moments lorsque Torik passe, mais sans plus que ça, et puis vous vous rendez jusqu'à donc sa cabine. Lorsque vous toquez, vous l'entendez qui vous appelle, et si jamais vous rentrez, je pense que c'est le cas, vous la trouvez simplement en train d'écrire 2-3 choses dans un journal, un document, comme un livre de compte, en fait. Ok. Je vais m'adresser à elle dès que je suis rentré dans la pièce au fond et je vais lui dire... Encore vous. Oui, encore nous. J'imagine que la grande patronne t'a parlé entre-temps. En effet. Très bien. Bah, je viens à... bien placé. Oui. Et je viens entendre ce que j'ai à entendre. Eh bien, pour commencer, tel que vous le souhaitiez, je l'ai complètement laissé. Il n'attirera plus d'ennui à vos personnes et je me débrouillerai autrement pour avoir ce fameux local. À ce moment-là, Flux, tu la vois qu'elle te regarde d'un air un petit peu appuyé. Je lui rends son regard à travers mon regard. Elles sont sans doute pas compte, mais il est là. Vous savez, le pauvre, c'était pas un si mauvais bougre. Mm-hmm. Au final, leur propriétaire, simplement un homme qui a dérapé et a causé, à ce moment-là, tu vois qu'elle fait un signe de guillemets avec sa main, accidentellement la mort de son frère. Qui lui pèse sur la confiance, sur la conscience. Il paraît que c'est passé plus ou moins inaperçu en ville lorsque sa disparition a eu lieu. Lequel était ferrailleur, donc les gens ont simplement conclu qu'il avait dû disparaître en dehors du protectorat. Maintenant, la vérité, moi je la connaissais, et bon bah... Vous savez comment fonctionnent les affaires. Oui, oui, je suis au courant. Et t'as plus d'informations pour moi vis-à-vis de ce meurtre? T'as parlé d'un endroit où était caché le cadavre, Daniel? En effet, mais... je bluffais. Il m'avait pas parlé de la cachette. Je pense même pas qu'il y en ait vraiment, il a dû s'en débarrasser. Il a toujours été flou sur cette partie. Fais-moi un G, Mokosh. D'empathie. D'instinct empathie. On va juste faire instinct alors. Trois réussites. Je saurais pas vraiment dire si elle dit la vérité ou si elle essaie de se débarrasser de toi. Ou si peut-être qu'elle est un peu vexée au fond. Oui, j'imagine. Et sur la raison ou la manière dont il l'aurait tué? Mundis peut utiliser. Ça semblait être un peu... un peu étrange. À la fois, il parlait d'une femme et en même temps d'argent. Ça, l'histoire, en tout cas. D'accord. T'as rien de plus intéressant à dire sur cette histoire ? Sur cette histoire, non, mais à vous dire à vous, oui. Le prenez pas mal, mais votre présence la dernière fois m'a légèrement marqué et j'ai pas pu m'empêcher de me dire que... de me questionner à votre sujet. À vous tous en général, dit-elle à ce moment-là, en scrutant du regard, sauf toi, Tori, qu'elle ne connaissait. Ok, enfin, voilà. Je me suis permise d'aller tirer les cartes. À ce moment-là, tu la vois qu'elle brandit un tarot apocalyptique... qui était accroché au niveau d'une espèce de petit ceinturon. Je suis pas sûr que ça marche, ce genre de choses. Eh bien, pourtant, le résultat est quasi systématique. Il semblerait qu'un grand danger vous guette. Ouais. C'est pas la première fois, mais... Il y a quelque chose de plus impressionnant à raconter ? Rien de plus, non. Ouais. De toute façon, on le verra bientôt. Est-ce que c'est une menace ? Non, elle a plus l'air de le dire sur le ton de l'accord commercial en lançant un nouveau regard appuyé qui lui sourit à travers son masque. Ok. Bon, bah, j'imagine que c'est... La seule manière dont vous pouvez m'être utile. Bon, je pense que je peux me débrouiller avec ça, alors. J'aurais une question également à vous poser. Mm-hmm. Après votre dernière visite, mon client a annulé. Vous y êtes pour quelque chose ? Non, parce que je ne crois pas. Pas spécialement. Bon, eh bien, parfait alors, ce sont des choses qui arrivent, j'imagine. Ouais. Bon, je suis sûr que vous le retrouverez de toute manière, celui-là. J'espère bien. On se reverra aussi sûrement, à la prochaine. En ce moment, tu vois qu'elle te salue également. Moi, j'étais vraiment resté, mais comme la première fois, tu sais, au niveau de la porte, paralysé, puis quand il fait salut, je vais... Toi, Toric, t'as pas trop compris grand chose. Rien du tout. Mais bon. Et en même temps, j'ai rien compris, mais je suis pas étonné en fait. Oui. Venant de Mokosh, je suis pas étonné en fait. Moi, j'ai une attitude là, super neutre. Un peu comme si je m'étais transformé en efflux, tu sais. Voilà. Les attitudes ne sont pas neutres. Je réagis oui, mais ton faciès l'est. Faciale. Tu as une certaine rigidité faciale, on va dire. Non, je réagis beaucoup. C'est juste vous, là, vous savez pas voir les vraies émotions. Tout ça. Donc oui, j'ai absolument rien compris, mais je suis pas étonné. Je sais pas si j'ai le temps au niveau de la tempête et si mes compagnons veulent toujours me suivre, mais je pense que je vais mettre directement en pratique ce que j'ai appris, si la tempête le veut bien. Si elle le veut bien. Parce que nous le valons bien. Alors, tu veux faire quoi du coup, exactement ? Eh bien, allez voir Patrosarkos, si je me souviens bien du nom de ce fameux propriétaire tartarien. Discuter avec lui. Ok, je vais dire ça. Malheureusement, je sais pas si on voit bien. Et sur 1, 2, 3, 4, 5, 6 dés, j'ai fait 5 têtes de mort. Aïe. Donc, il n'est vraiment pas malheureusement, alors que vous sortez, vous entendez un appel des chroniqueurs qui vous dit rentrez citoyen, la tempête va s'abattre à nouveau sur la ville. Et au loin, vous commencez à entendre en effet une espèce de brouhaha porté sur cette dernière, ainsi que se détacher très brièvement quelques morceaux de tôle rapidement accrochés aux murailles du sud de la ville. Comme si une espèce de grande bourrasque, la première grande bourrasque venait de s'installer dessus. Vous comprenez qu'il s'agit d'une alerte assez sévère, et vous partez donc directement en direction de là, de chez Flux. Yep. Mais tu notes le fait de potentiellement y retourner plus tard. Malheureusement. Cependant, alors que vous arrivez devant la maison avec la porte donnant sur l'arrière, vous voyez sur cette dernière accroché une espèce de petite lettre avec un couteau planté dedans. Comme si quelqu'un était passé et avait accroché un message. Mmh. Bah on regarde, hein. En effet, tu regardes. Et sur cette dernière, tu lis « Le mal absolu va s'abattre, préparez-vous à mourir. » Oh, j'adore les diseuses de bonne aventure, dis donc. Je le partage au reste du groupe, hein, mais... À tes pieds, tu remarques la tête d'un petit oiseau qui a visiblement été décapité et qui a été déposé sur le pas des escaliers. Bah... C'est censé nous faire peur, ça, du coup. En effet. Si tu retournes le papier au dos, tu vois écrit « Rendez-vous ce soir ». En effet, tu sais pas trop quoi en penser. Ah non, c'est intéressant, c'est original. Tu menaces de mort et tu fais « Bon, bah viens ce soir quand même, sait-on jamais ». Si t'as envie de mourir, viens. Y a pas de lieu de rendez-vous, donc a priori, tu saurais même pas où aller, si... mais voilà. Bon. Oui, c'est vrai, en plus. Visiblement, le mal absolu va s'abattre et toi ou quelqu'un d'autre, tu sais pas trop à qui c'est destiné, sans doute à toi, va mourir ce soir. Le fameux mal absolu qui tue des pigeons pour le non, mais... J'avoue qu'on prend ça un peu à rigole. Enfin, après, tu vois, on a connu des choses, genre on a connu la femme, ce genre de choses qui peut nous la relativiser, mais. Surtout que malgré tout, il y a quand même un certain ridicule à écrire. Juste le mal absolu. Oui. Non, mais voilà, et du coup, on rentre. De toute façon, s'il y a une tempête, soit il vient en ce effet, soir. En effet, oui, quoi. Voilà, vous n'avez pas forcément le temps vraiment de rester sur le truc. Et d'ailleurs, assez rapidement, vous commencez à entendre souffler derrière. Vous avez l'impression qu'il y a comme des dizaines et des dizaines de briques qu'on jetterait parfois contre le mur extérieur. Vous entendez taper bam, bam, bam, bam. Et vous vous retrouvez comme ça, un peu piégé à l'intérieur, à devoir discuter. Enfin, à devoir vous retrouver entre vous. Malgré tout, vous êtes quand même un petit peu perturbé par ce petit mot. Est-ce que vous le montrez aux autres, d'ailleurs? Franchement, oui. Bah, on partage ça un peu tranquillement. Vous remarquez que certains sans dramatiser, moins, ils y croient. Pardon? Sans dramatiser. Ouais, bien sûr. Tu vois que Capiol, lui, est pas super à l'aise. Bombino a l'air de plus ou moins suivre son frère, tandis que Maria et Noah, eux, en parlent de manière beaucoup plus, en effet, détachée. Ils se disent, mais qui pourrait bien nous en vouloir, qui pourrait bien vouloir notre mort, on n'a rien fait de mal, au contraire. Ça se trouve, pour eux, c'est même une erreur de destinataire. Et puis, vous vous arrêtez. Vous vous posez, et puis vous discutez. Vous parlez de tout et de rien, de vous planifier un petit peu ce que vous pourriez faire à l'avenir. D'ailleurs, est-ce qu'il y a des sujets en particulier que vous aimeriez aborder avec les autres? Est-ce que vous souhaiteriez revenir sur certaines choses, des éléments passés, futurs, etc. Alors, Moi, je parle que d'un seul truc. J'en profite parce que Jacquard nous a requittés temporairement. En en parlant, voilà, sans non plus trop dramatiser, mais juste qu'on soit d'accord qu'on, bon, vu que maintenant quelques habitants de la ville font partie des gens qui ont fait le trajet avec nous, on ne parle pas du fameux juge qu'on a plus ou moins trahi et tué, quoi. Ce Jacquard risquerait de mal le prendre. Évidemment. Oui, voilà. Ça m'embêterait que Mokosh soit encore emmerdé. Puis moi aussi, j'étais le premier à dire que on n'allait pas l'écouter. Et puis voilà, on essaie de faire en sorte que ça se passe mieux avec Jacquard. Non, mais après, c'est vrai, tu as raison. Et maintenant qu'on est sur le point d'arranger les affaires de Mokosh avec la mort du docteur, ce serait dommage de rajouter de l'huile sur le feu. Ouais. D'ailleurs, où est-ce qu'on en est par rapport à ça, puisque on est retourné, on a, j'imagine, un petit peu dit ce qui s'est passé pour qu'on soit dans cet état-là. Est-ce que on a pu prouver que il était mouillé dans une affaire avec avec oui. des alors avec tu des sais que en cours cafards. Et tu sais que d'ailleurs c'est assez en bonne voie avec les éléments que vous avez apportés. Mm-hmm. Maintenant, ça peut pas se faire encore tout de suite. Tu sais que Pry, elle, il a d'autres contacts que vous. Il y a peut-être d'autres gens qui actuellement sont en mission justement pour essayer d'élucider ça. Il va pas tout vous confier à vous. C'est parce que vous en avez fait une partie que. C'est bon, le moindre détail, vous allez devoir le retourner personnellement. Ouais, ouais. Mais en effet, en attendant, il vaut mieux attendre. En tout cas, c'est sûr que c'est plutôt bien pris du point de vue de la situation de Mokosh, qui était un petit peu tendancieuse ces derniers temps. Ouais, voilà, donc. Faudra qu'on voit pour que. Modèle, enfin. Réhabilitation. Voilà, pour qu'on t'enlève ce putain de tatouage. D'ailleurs, Lucie est toujours autant au bras qu'on peut voir à travers ses manches de chien. D'ailleurs, c'est pas. Enfin, là, du coup, c'est une question un peu plus. Un peu plus lore. C'est pas réellement retiré. On sait retirer le tatouage ou c'est genre juste on le recouvre par autre chose pour. Alors, en effet, c'est pas des tatouages permanents. Ils s'en vont tout seuls au bout d'un moment. Et en fonction de la gravité du crime, il va rester plus ou moins longtemps. C'est pour ça que, par exemple, quelqu'un qui volerait quelque chose et qui se ferait marquer, donner la marque du voleur, et qui récidiverait des années plus tard, aurait pas forcément. En fait, on considérait que c'est son premier crime. Mais s'il était déjà marqué, il pourrait. Alors, ça dépend un petit peu des juges, vu que la loi est un petit peu adaptée à chacun de ces derniers. Le codex est relativement flou. Mais généralement, ouais, ça pourrait aller de vas-y, que je te mets la main sur un bio et que je te l'écrase avec mon marteau. Ouais. Mais là, ou alors tu tombes sur un gars sympa. Il y en a aussi. Hein. Mais du coup, c'est une espèce de mixture qu'ils en mettent sur le bras et qui sont capables, eux, d'enlever avec un produit quelconque. C'est, ça, c'est... Alors, c'est pas eux qui les enlèvent, ça part tout seul en fait. C'est juste que ça tient plus ou moins bien en fonction du mélange. Ouais, mais si par exemple elle est lavée de ce qu'elle a fait, dans le sens où en fait elle a tué un traître. Elle aura toujours la marque autant de temps que n'importe qui, malgré tout. Alors il faut qu'il soit, il faut qu'il tatoue quelque chose pour dire cette marque n'est plus valable. Il marque rien, ce sera juste, on va dire que son nom sera un peu mieux vu. Quoi. Ok, oh, c'est pas très juste, mais ok. Ah oui, non, c'est loin d'être. Oui. Bah non, parce qu'elle est pas coupable au final. Mais elle aura quand même un tatouage pour dire qu'elle est coupable. Enfin, elle est pas coupable. Elle a quand même tué quelqu'un. Oui, non, mais c'est quand même. Pour dire qu'elle a. Oui. Non, au moins déjà, il me semble bien que je serais réautorisé à me déplacer comme je veux. Ah oui, bien sûr, ouais. Ah, ça va pas sortir de justicienne si ce n'est pas le cas pour l'instant. Oui, vu que c'est vrai que j'intègre pas trop parce que c'est pas l'élément le plus intéressant, surtout que c'est un petit peu sauté à cause de la tempête. Mais Mokosh est censé. Oui. On va dire. Comment on dit mince. Il y a un genre. Il y a un terme pour ça. Et quoi ? Réhabiliter ? Pointer. Pointer. Ouais. D'accord. Pour pas qu'on envoie des gens à ses trousses avec une petite prime sur sa tête. D'accord. Comme vous-même, vous aviez pu le faire, chercher des primes sur Angel, oui. La pie, ouais, au tout début. Je vois. Ce serait bête. Mais ça pourrait faire un très beau départ pour un nouveau groupe de Degen. Ok, bah du coup, mis à part ça, moi j'avais rien de spécial à dire. Est-ce qu'il y a d'autres choses dont vous souhaiteriez parler? Parfait. Simplement, au bout d'un moment, donc vous vous installez, vous vous détendez un petit peu, vous entendez toujours ces bourrasques à l'extérieur, mais vous avez l'avantage d'être au chaud, vous avez plusieurs couvertures à disposition. Vous avez l'avantage d'avoir des gamins qui font de la récup pour votre confort, mais surtout le leur également, tout forcément. Mais forcément, vous en profitez également. Le soir, Noah prépare à manger une espèce de soupe dans laquelle il mélange plusieurs ingrédients que Efflux lui a donné. Une question, Efflux. T'as vu bouger la main? Non, d'accord. Et donc vous dégustez cette dernière qui est relativement bonne, et puis bah petit à petit vient en fait un peu le moment où bon bah après avoir discuté vous comptez bah simplement à vous coucher et à dormir. Ceux qui aiment bien dormir longtemps, surtout ça fait longtemps que vous n'êtes pas vraiment posé. Forcément avant de t'endormir, avant de vous endormir pardon, vous pouvez pas vous empêcher de repenser quand même un minimum au petit message que vous avez reçu. La mort va s'abattre ce soir. Le mal absolu. C'est vraiment étrange comme formulation. On pourrait presque dire à une mauvaise blague, tellement c'est accentué. Et d'ailleurs, si ça se trouve, c'est le cas. Alors, vous pouvez pas vous empêcher de regarder la porte d'entrée, malgré tout, d'un œil. Vous savez que c'est la seule entrée vers le bâtiment, et que si quelqu'un venait à essayer de rentrer par la peau cette nuit, ce serait surtout pas. Et puis petit à petit, vous commencez à vous endormir. D'ailleurs, je sais pas si cette porte est fermée à clé. La nuit, enfin, c'est pas une clé, mais vous avez moyen de la verrouiller. Et je vais vous demander, malgré tout, un petit jet de perception, donc d'instinct perception. Avec une difficulté de 3. Deux réussites pour moi, c'est un échec. Attention, je vais faire aussi des tests. Trois réussites, un déclencheur. Combien de réussites? 3. Okay. Avec 3D. Je suis la joie la plus heureuse. Très bien. Oula, il y a moins de réussites. Toi, tu dors toujours sur une seule oreille, on va dire. Et en effet, alors, j'imagine que là, vous êtes relativement nombreux, oui. Au cas où, je sais pas si c'est par rapport à ça, mais la webcam lag un peu. Mais si jamais ça inclut dans la narration, je sais pas, je dis juste ça comme ça. Oublie pas que mon armure peut s'allumer en cas de... Oui, bien sûr, ça je m'en rappelle pas tout ça. Bah oui, en effet, on peut pas te la forcer pendant la nuit. Mais du coup, de toute façon, en l'occurrence, tu ne dors pas. Notamment peut-être parce que tu es maître des lieux et que malgré tout, vous avez reçu une menace si vous étiez destiné. Et pendant la nuit, du coup, tu te retrouves à un moment à être un petit peu... Tu sais, tu dormais pas complètement, mais t'as eu une espèce de sursaut comme si t'étais sur le point de plonger, et que ton esprit est attiré par un petit bruit. Et, en effet, tu remarques que Noah est également là, les yeux ouverts. Efflux se trouve à portée de Tauric, et Noah se trouve à portée de Mokosh, et vous allez tous les deux vous retrouver également légèrement réveillés. Assez doucement, et dans le silence. D'ailleurs, Mokosh, tu verras par exemple Noah mettre son doigt au niveau du nez pour justement t'indiquer de ne pas faire de bruit. En effet, vous entendez quelques petits bruits. Alors, vous avez du mal au début à les percevoir puisque vous avez le... en fait, des débris, enfin voilà, de la poussière, etc. qui s'abattent sur les tôles et sur la ferraille de la ville, qui mine de rien résonne, mais ça, avec le temps, vous avez presque réussi à vous habituer. Non, vous entendez... Vous entendez une voix humaine... très vraisemblablement à l'intérieur du bâtiment. Deux voix même. La première dit « Chut, pas de bruit !» Et la deuxième dit « Désolé, j'étais courbature !» Mais elles proviennent de l'arrière-salle. celle où se trouve la machine de Hamsumu. Alors qu'il n'y a pas de, d'issue, hein, pour rappel. Qu'est-ce que vous faites ? Je fais des signes. Ok. Pour leur dire. Je fais plusieurs signes. En effet, vous habituez assez rapidement à la lumière. Enfin, la lumière, la... Au pire, okay, je m'illumine un tout petit peu en besoin. Ok, tu fais légèrement lumière. De toute façon, il y a le drap qui sépare les deux, mais les deux endroits. Pour dire que... Embuscade, pas toi, embuscade dans grande salle parce que pas d'autre sortie. Faites-moi, pour ceux qui se déplacent, un jet discret. En effet, un petit jet de discret. Allez, de toute façon, au pire, il y a Mokosh qui font en tas. Oui, oui, s'il faut, moi je démonte tout ton atelier. Agilité, stop. Ah ben, c'est oh, mais j'ai fait de ouf ce que je fais. Mais je. Mais ce soir. Une réussite sur 2D. C'est quoi le jet là ? Agilité. Discrétion. Discrétion. Agilité. J'ai fait 3 réussites, dont un déclencheur encore. Sur c'est 3D, quoi c'est mobilité, moi, c'est ça ? Non, c'est non, quoi ? C'est Steals. Steals. Discrétion. Steals. Faut jouer un peu c'est à des gens en anglais. Anglais avec des jeans. Voilà, j'ai fait ça, moi. De rien, de réussite. Du coup, une réussite, 2, 3, dont un déclin. Ok. Bon. Allez bien. Vous marchez un petit peu, et malheureusement, Mokosh, là, t'as fait un, ouais, une, seulement une. Au bout d'un moment, malheureusement, il fait quand même assez nuit, et tu fais pas gaffe, et tu heurtes une espèce de petit truc qui était posé sur le sol. Une connerie qui dépassait, genre un bout de ferraille qui traînait. Ah oui. Encore Bambino qui joue avec n'importe quoi. Et on entend le petit ching ding ding ding ding. Évidemment, tout le monde l'entend. Vous, vous êtes plus ou moins en position quand même à côté. Et à ce moment-là, vous entendez de l'autre côté du rideau. Et petit à petit, pour certains d'entre vous, commencez à vous demander si vous auriez pas déjà plus ou moins entendu cette personne. En tout cas, il commence à y avoir une espèce d'air comme une marque de fabrique, une signature qui vous dit nettement quelque chose. À moi aussi ? Toi, bah, en effet. Surtout toi, c'est moi qui n'ai pas concerné. Notamment Torik et Mokosh, parce que ce sont des éléments qui datent d'il y a bien longtemps, une voix qui remonte loin dans le passé. Tu pensais pouvoir t'en sortir. Ah, mais c'est juste vous. Comment ça, juste nous? Pour rappel, il faut vraiment imaginer la scène, la personne est toujours derrière le drap, donc vous la voyez toujours pas. Hein. J'attends. Pour indiquer, mais j'attends préactiver mon vocodeur, en fait, pour dès qu'il sorte, ça. Mais vu la réaction de Mokosh, en fait, je comprends que ça a pas l'air si dangereux que ça, comme oui, situation. Oui, en effet, tu donc, Mokosh a l'air même relativement plutôt paisible. Hein. Oui, moi, j'ai quasiment baissé mon arme. Ouais, la mort coup, arrive. Du coup, je passe le rideau avec mon dilacérateur en main. Salut. Donc tu passes juste le bout du dilacérateur. Non, je prends le dilacérateur, j'ouvre le rideau comme ça, genre c'est bon là, vous avez fini. Donc tu passes le dilacérateur, en effet, t'ouvres le rideau et juste derrière le rideau, vous voyez la silhouette de 6 ou 7 géaméthanes avec juste derrière les caisses de livraison de ce matin toutes ouvertes. Ils ont mangé nos bouffes. Oh, ou alors ils sont en train de servir en fait. Ils ont pas mangé forcément. Je crois qu'ils étaient dedans. En effet, un rapide aperçu de la scène vous fait vite arriver à la conclusion qu'ils étaient cachés à l'intérieur. Et qu'ils ont passé environ 24 heures, bon un peu moins, une bonne dizaine d'heures au moins minimum, enfermés dans les caisses, repliés sur eux-mêmes en attendant de sortir. Vous savez, avec le nombre que vous êtes, vous auriez pu juste toquer et forcer l'entrée. À ce moment-là, en effet, la plupart d'entre eux, vous ne les remarquez pas. Enfin, vous ne les reconnaissez pas, je veux dire. À part celui du milieu, en tout cas, donc, sauf pour toi et Flux, vous reconnaissez la silhouette du GM Ethan qui a posé tant de tort, on va dire, à Mokosh, enfin, qui a tenté, tout du moins. Oh, mais cela n'aurait pas été une surprise. Et moi, je regarde Mokosh et je dis... Vraiment ? Écoutez, rendez-vous et nous vous laisserons en vie. Sauf elle. Dit-il évidemment en pointant Mokosh. À ce moment-là, les petits derrière eux commencent un peu à se réveiller et mine de rien un peu à s'inquiéter de ce qui se passe. Nous rendre ? Mais c'est vous qui êtes là. Nous sommes en nombre supérieur et vous êtes enfermés. Excusez-moi. Vous êtes 7, on est 8. Du coup... Vous comptez les enfants ? Vraiment ? Ouais, mais si déjà Mokosh elle vaut 4 d'entre vous, vous êtes plus que 2. Oh, mais vous savez, elle a peut-être été une grande guerrière autrefois, mais elle n'est plus l'ombre de ce qu'elle était. L'ancienne Mokosh l'aurait détruite. Allez demander ça au hospitalier qui s'est fait tuer il y a quelques jours. À ce moment-là, une petite voix derrière qui fait quoi, c'était elle. Ensuite, vous remarquez qu'il est visiblement a toujours le chic pour trouver des équipes relativement efficaces. D'ailleurs, il ressemble plus à des vieux bandits de grand chemin qu'à des vrais Jametan. Hein. Il représente pas du tout le culte. Du coup, moi, je m'adresse à tout le monde. Je vais écouter. Moi, je dis ça pour vous. Votre ami là, celui qui est... vous a demandé de venir. Il ne te rappelle pas de mon nom à ce que je vois. Ouais, mais c'est pas important. Vous a embarqué dans une situation que vous allez peut-être regretter. Donc je serai vous, et ça c'est pour vous. Hein. Je pense que vous devriez juste repartir de là où vous venez, parce que sinon vous allez avoir des soucis. Voilà. Mais ça, c'est pour vous. Hein. Ça m'embêterait de devoir vous envoyer à l'hôpital pour vous remettre, si vous vous en remettez. Hein, parce que ça se trouve, ce sera les dernières minutes que vous allez vivre. Donc, je serai vous. Eh bien, je me retournerai de là où d'où je suis venu. Et voilà, laissez-le. C'est une personne qui n'a pas... apprécié de se retrouver plus bas que terre, si je puis dire. Mais ne subissez pas pour lui, ce serait dommage. Fais-moi un jet de psyché domination avec un bonus de 1D pour le RP. Je vais faire des jets de mental. Alors, psyché domination. Alors ça tombe bien parce que je suis très mauvais en domination. Alors tu m'as dit plus 1, c'est ça ? Ouais, plus 1. Je vais les faire deux par deux. Voilà, bah c'est 3 réussites, un déclencheur. Ok. Voilà. Bon, le premier a fait 4 réussites. Donc tu vois, pour l'instant, t'en vois l'un d'entre eux qui a pas l'air du tout convaincu. Okay. Par contre, il y en a un deuxième derrière qui lui... Tu vois qu'il adhère presque à ce que tu dis. Le troisième, ça a l'air d'aller. Le quatrième également. Oula, le cinquième, par contre, tu vois, il y en a un. Il commence à suer. Il est complètement en train de se rendre compte qu'il s'est foutu dans une merde pas possible et il est sur le point de partir. D'accord. Bon. Lui, je vais pas le faire. Évidemment, il va rester quoi qu'il lui en coûte. Et le dernier, pareil, tu vois, il est assez dubitatif. En vrai, tu sens que les gens autour sont pas si chauds que ça pour vous poignarder pendant votre sommeil, tu vois. Tout de suite, il y a une espèce de baisse de tension, quoi. Ok. Tu vois qu'il y en a 2-3 qui sont presque en train de baisser leurs armes. Du coup, bah, en voyant ça un petit peu, je me tourne vers Efflux. Du genre, ouais, c'est peut-être le moment d'appuyer un peu plus là où ça fait mal, histoire te faire dégager un peu la troupe. Trêve de bavardage. À ce moment-là, vous avez votre ennemi commun, le fameux GM Ethan, qui reprend la parole. Je m'allume. Gauche, viens te battre seul, si tu l'oses. Il l'a déjà fait. Très bien. Tu ne pourras pas t'enfuir comme la dernière fois. Bon. Je vais jeter mon épée sur un côté et je vais aller prendre tout simplement en guise d'arme sûrement une barre de fer qui doit être un truc de efflux. Je veux dire, comme mon habitude, je vais tuer aucun d'entre vous, sinon ça ferait moins de gens à tatouer. Fais-moi un jet de psyché domination aussi. Psyché domination, je sais pas si la peur rentre en compte ou pas. Alors je sais pas si ça te donne un bonus, attends, je vais regarder ça rapidement. Parce qu'en fait techniquement c'est un petit peu ça. Je crois qu'il y a marqué... En effet. Ouais. Bah, en fait c'est cumulatif, si jamais tu réussis l'un, tu réussis l'autre également. En fait là le jet que tu fais c'est pour les faire partir, mais tu pourras également en donner des malus éventuellement en tout cas. Ok. Bah 4 réussites. Ok. En effet, toi tu vois que quand tu parles là, ça. Ça fout une espèce de gros blanc à leur niveau. Mais en fait, c'est vraiment. Faut imaginer que la situation est vraiment relativement ridicule en fait. C'est. Ils auraient pu se jeter sur vous, ils auraient pu être plus discrets, ou en effet, comme tu disais, flux passer par la porte. Enfin. Donc en fait, ils sont là, ils ont leurs armes, mais. Ils attendent. Et puis là, quand tu dis ça, tu vois qu'il y en a un qui se retourne vers, encore une fois, celui du milieu et qui te fait. C'est elle qui t'a fait ça ? Oui, c'est moi, et si vous en voulez un, vous avez qu'à rester là. Les autres, la sortie est par là. Montez la sortie, vous voyez qu'en effet, il y en a deux ou trois qui sont vraiment chauds pour y aller. Et qui, puis, en fait, qui regardent un peu des regards un peu complices en mode. On peut y aller ? Du coup ? Et l'autre qui les regarde, qui leur fait non. Ne me dites pas que vous êtes des couards, regardez-les. Nous sommes en nombre supérieur, ne me dites pas que vous avez peur de 4 vieillards et de 3 enfants. Le chroniqueur, il ne sait sans doute pas se battre. Le hospitalier, c'est plus un médecin qu'un vrai soldat. Et quant à Mokosh, regardez son visage. Je vois que la nature n'a pas été clémente avec elle. En effet, t'as tes deux belles balafres. Ah, d'accord. C'est bien la preuve qu'elle a perdu la main. Non, non, non, c'était pas purement gratuit. Enfin, pas autant. C'est sûr que une personne qui est si mal lotie par la nature a vraiment eu de la chance de pouvoir vous faire ce joli dessin sur le front. Oh, j'avoue. Au début, je ressentais de la haine par rapport à ça. Mais tu sais quoi ? Avec le temps, j'en ai fait une force. J'ai fini par l'accepter. Et je me suis dit qu'il me représentait bien plus que ce que tu pourrais le croire. Mmh. Au final, je devrais te remercier. Un animal d'une telle fierté, c'est vrai. Et cette présence, pour quelle raison ? Parce que... T'as l'habitude de servir de défouloir à tes congénères ? Non, la chèvre, c'est le symbole du mal. C'est ce qui me représente le plus, car je suis ton pire cauchemar, et je le sais. Je sais que tu recoupes... Et à ce moment-là, tu vois qu'il y en a qui lui coupe la parole et qui fait « Non mais Jafar, j'en ai marre de tes conneries. Tu nous avais dit qu'il serait que deux et qu'il serait en train de dormir. Ouais, » Oui, oui, il vous regarde en mode « Est-ce que je peux y aller ?» Tu peux y aller. Et il s'en va, il traverse la pièce, il ouvre la porte et il repart. D'ailleurs, les autres, vous pouvez faire la même chose, hein, n'hésitez pas. À ce moment-là, Jafar, puisque désormais vous connaissez enfin son prénom, ouais. Et j'en profite pour faire ce micro-point méta de c'est très drôle que Jacquard se soit appelé Jacquard, parce que du coup, Jafar s'appelait déjà comme ça, il y a vraiment juste une lettre de différence, mais son prénom est prévu depuis le début, donc j'allais pas le changer. Il sort une espèce de dague de sa poche, pointe l'un d'entre eux et le menace de le planter en mode s'il s'apprête à bouger. ce moment-là, l'autre lui dégage la main violemment et se casse en mode j'en ai marre. Et il part. Également. Bah dis donc La situation est d'autant plus ridicule, hein. C'est sans doute le combat de le moins. De 8, vous êtes à 6 maintenant, ça va bien finir par continuer à partir, hein. Nous éliminons les faibles, vous feriez mieux de faire pareil. Mm-hmm. Bon, eh ben on va commencer alors. Bah, en effet, les enfants, si jamais vous voulez partir. 2. 1. Oh. Quoi? J'ai dit. Bon, bah alors on va commencer. Attends, excuse-moi, juste hors RP, c'est facile, tu bug un petit peu. Ouais, ça bug un peu, mais. Oui. Bah, tout simplement après le décompte, je commence. Je vais commencer à foncer sur le type avec la barre de fer. Ok, tu commences à lui foncer dessus. Je sais même pas si on met une musique épique pour celui-là. Tu es bénil. Bon, allez, on va se mettre un petit. Bon, on va voir. Ça sera peut-être trop épique. Ça va peut-être être trop épique. Je vous invite à baisser légèrement le son du Watch Together. The Watch Together. Putain. En effet, tu commences à lui foncer dessus. Tu le vois à ce moment-là qui dégaine une espèce de sabre un petit peu style pirate. Et il commence à hurler. Vas-y, je t'attends. Je vais pas te demander de faire des jeux d'initiative. Tu peux toujours dépenser de l'ego si jamais tu souhaites avoir plus de dés à ton test. Non, je pense que j'en ai pas besoin. Dans ce cas-là, vas-y, fais-moi un jet, sachant que tu vas se défendre de manière passive. C'est quoi le jet déjà? Je sais pas si le fait que j'ai une barre de fer relevée. C'est quoi, quoi? Non, pas du tout, toujours Body melee, pardon. Body melee. Et je vais dire ça pour les stats de la barre de fer. Je pense pas que ça devrait changer vraiment grand. Enfin, c'est moins fort qu'un espadon, mais je veux dire. 4 réussites. Ok. Alors. 4 réussites, alors déjà je vais faire le G. De défense, j'ai fait 2 réussites seulement, donc déjà ça va passer. Est-ce que tu as fait des déclencheurs? Non, aucun. Ok, donc tu n'auras pas de dégâts supplémentaires. Et du coup, pour la barre de fer, je vais considérer que ça fait une force équivalent à ta force divisée par 2. C'est-à-dire, bon, arrondi au supérieur 3, 4, 5, 6, 5, 8, donc. 4, ok. Donc en effet, tu commences à te jeter sur lui, tu brandis ta barre de fer, tu vois que lui, il dégaine son sabre comme s'il allait un petit peu faire un duel, et en faisant après 2-3 moulinets, il se prend un gros coup de barre dans le visage, et il est propulsé en arrière, sur la table à côté en fait de la machine de Absumo qui est tout sous. D'ailleurs, à ce moment-là, le drap tombe et dévoilant le visage squelettique de cette dernière avec les os, enfin les yeux, pardon, plongés... et ces espèces de câbles étendus de part en part. À ce moment-là, il y en a un qui se retourne vers ce truc et qui fait « Mais c'est quoi, ça ?» Tandis que deux autres hommes, cette fois-ci, Mokosh, se jettent sur toi. Du coup, en soi, tu n'as pas de défense active, vu qu'on n'a pas vraiment fait de vrai jet d'initiative, donc ça va être à la défense passive. Je vais t'accorder un 3. Normalement, c'est que 2 dans ces cas-là, mais là, pour le coup, je vais monter ça à 3, vu qu'il y a beaucoup de monde autour de toi, que c'est un petit espace réduit. En plus, tu vois le convenir. Alors, pour le premier, j'ai fait 3 réussites, donc ça passe. Donc, en effet, tu vois l'un d'entre eux qui se jette vers toi, qui saisit une espèce de, tu sais, de petite massue en fer, mais très très petite, et qui essaie de t'asséner un coup au niveau du visage. T'arrives à légèrement l'écarter, mais tu te prends quand même une espèce de petit coup de massue. Et tu vas perdre. Non, t'as toujours pas ton armure, de toute façon, c'est tout, ça couvre pas le visage. Tu vas perdre que 3 points. Ah, au moment où tu te fais frapper, tu sens en effet légèrement quelques faiblesses dues aux anciennes. Aux anciens coups. Tu t'es pas encore complètement remise du dernier combat, mais c'est pas non plus critique et pour l'instant, ça va. À ce moment-là, un deuxième se jette sur toi, et pour le coup, lui, t'arrives à le dégager relativement facilement. Il tombe par terre de manière assez ridicule. Vous autres, qu'est-ce que vous faites dans la pièce? Bah moi c'est pareil, je vais attaquer un dégât avec mon dilacérateur, mais genre alors côté pointe, mais pas avec le, pour pas le transpercer en fait, le taper avec la pointe quoi. J'adore. Ils font tellement pitié, vous voulez pas les blesser. Enfin, pas les tuer. Bah, vas-y, pareil. Je vais pas faire de jeu d'initiative pour ce combat-là, c'est pas un... C'est même pas vraiment un combat, c'est une exécution. Tu peux me faire un petit jet de body, mêlée, si tu veux. Voilà. Ah oui, j'ai même pas vu. Ouh. Ils sont jolis. Voilà. Alors, en effet... tu fais combien de dégâts, normalement? Avec le dilacérateur, bah du coup, moi je suis en... Alors, sachant, je précise quand même, c'est dommage, enfin, si jamais tu souhaites, tu pourrais activer l'un de tes potentiels. Soit pour faire plus de dégâts, soit pour t'améliorer. Alors, vu que tu as fait plus de déclencheurs, alors déjà, en effet, de base, tu vas faire des dégâts équivalents à 4, plus ta force divisée par 3. Donc, petit force, 2, donc 6 en tout. Plus 3, tu tapes à 9. Plus si tu veux, tu peux activer lacération pour faire un dé de dégâts supplémentaires. Ouais. Dans ce cas, il faudrait ajouter un petit D6. Ça fait longtemps qu'on n'a pas utilisé le D6. Ou alors des lacérateurs qui va te donner des jets d'attaque et de défense supplémentaires. Ouais, non, mais je vais faire le D6 en plus là. Ok, 2 dégâts, ok. Écoute, j'ai de moins un D6. Sachant que tu fais déjà 9 dégâts, ce qui est vraiment considérable. T'arrives vers l'un d'entre eux donc. Oh, dommage. 1. Ah, 1. Bon. Tu tapes quand même sévèrement à 10, hein, ce qui est vraiment beaucoup. T'arrives vers l'un d'entre eux, en effet, clac, tu commences à le planter, et même si, bon, à la base, t'avais pas spécialement prévu de vraiment le blesser, finalement, en fait, tu touches si bien que tu peux pas t'empêcher de désactiver la lacération, et d'un seul coup, il y a les lames qui pop, et il y a sans doute deux doigts qui tombent au sol, suivi d'une espèce de hurlement. À ce moment-là, et avant que tu joues, toi, de ton côté, Flux, d'ailleurs, j'en profite, vous entendez un petit « Mais t'es un malade !» comme si c'était pas dans les règles d'un combat à main. Flux, toi, t'es limite poussé par Casse-Gueule qui se précipite vers l'un d'entre eux en gueulant « On va voir qui c'est le gamin !» Et en fait, qui pareil à ramasser une espèce de tesson de bouteille, qui l'explose contre un mur et se jette vers l'un d'entre eux dans le but de éclater. Je sais pas gérer ce combat-là, mais sachez qu'il y en a l'un d'entre eux qui est en train de se faire. D'ailleurs, il y a plus d'ennemis à ce moment-là. Du coup, Flux, qu'est-ce que tu veux faire de ton côté? Ok, je fais même pas de vocodeur, tout ça, rien du tout. Hein. Ouais. Ils sont balistiques. C'est pour la mêlée, c'est quoi? Ok, très bien. On va casser ton entrepôt. À ton tour, Mokosh. Donc, pour rappel, tu t'es pris un petit coup au visage. Tu sens que le crâne s'est légèrement ouvert, rien de grave sans doute, mais t'as du sang qui coule le long du visage. Ça saigne beaucoup. Qu'est-ce que tu fais? Eh ben, je vais continuer à m'acharner sur le gars, le seul gars d'intérêt dans la, même si ça n'a pas un grand intérêt non plus. Oui, ok, parfait. Eh bien, vas-y, refais-moi un petit jet de combat, sachant que là, il va devoir se défendre de manière passive, vu qu'il n'est pas... Et que ça va être bien. Alors, 3 réussites, mais ce sont tous les 3 des déclencheurs? Oui. Oh, 3 déclencheurs, donc autre lui. Alors, du coup, on avait dit, de ton côté, tu fais... Faire mal, je pense. Ah oui, voilà. Ouais. Force divisée par deux. Là, Mokosh, elle est en mode guignol, là. Ouais, c'est ça. En effet, tu t'approches de lui, tu vois, tu prêtes même pas attention aux autres à côté, et tu chopes ta barre, et tu lui assènes un violent coup au niveau du torse, et tu vois que d'un coup, il se replie sur lui-même en hurlant et en crachant du sang. Ensuite, il essaie de t'agripper et de se jeter sur toi. Oh, ce qui passe, d'ailleurs. Ouais, je crois que tu pensais que t'as une défense passive. Donc en fait, tu vois, tu le frappes violemment et il essaie de te pousser en arrière, de te coller contre un mur et de t'étrangler littéralement avec ses mains. Il essaie même pas de te planter derrière, juste de t'étrangler. Malheureusement pour lui, visiblement ses mains sont un peu trop petites et il a vraiment du mal à faire pression sur ton cou qui semble résister à ses doigts. Je sais pas comment dire ça autrement. J'adore quand les GD sont RP comme ça. Bon bah voilà. T'as un trop grand coup, Mokosh, merde, mais de ton côté, Flux, en voyant l'un de ses camarades se faire déjà planter et ensuite perdre une partie de ses doigts face à ton dilacérateur, Tu vois qu'il y en a un d'entre eux qui fait non, non, mais les gars, j'arrête. Et qui dépose les armes et qui se colle contre le mur et qui essaie de choper une ouverture pour également se casser en direction de la porte. Ouais, et c'est à qui de jouer là? Bah là, ça va être à toi. Je sais pas, du coup, c'est je vais... par rapport à ça, si tu peux le laisser passer et t'en profiter pour l'attaquer. Non, je laisse passer et je vais continuer à. Alors cette fois-ci, je vais taper sur. Sur Jafar. Parce que bon, il n'y a pas de raison que les autres s'en prennent plus dans la tronche que lui. Donc un coup de dilacérateur encore. Vas-y. Ah, surtout que là, il est dodo en plus, donc il a vraiment une mauvaise défense. Combien tu vas faire de dégâts? Ça fait vraiment un déclencheur, donc ça n'a fait qu'un seul. C'est un déclencheur. C'est spectaculaire tout à l'heure, mais ça va être pas mal. 7. Et en effet, il me semble que ça. Alors, c'est votre troisième combat avec Jafar, mais je crois que c'est quatrième rencontre avec Jafar. Si j'ai pas de dégâts. Du coup, en effet, donc Toric, toi tu te retournes vers un autre, tandis que tu vois que le mec que tu viens de blesser est limite en train de récupérer ses doigts. Ouais. D'ailleurs, j'en profite à côté, je peux m'imaginer Casse-Gueule en train de justement d'en défoncer. Défoncer hein. Ouais. Tu te précipites vers Jaffa. Et d'ailleurs, tu trouves que même si. Enfin, d'autant plus vu que l'endroit dans lequel vous êtes est relativement petit, t'as une facilité assez déconcertante pour manœuvrer en direction de leur chef. Il y a vraiment un gros personne manque de volonté, de complicité dans ce groupe, visiblement. Voilà. Et en effet, tu lui assènes un violent coup dans le dos, et toi, Mokosh, alors que tu étais plus ou moins en train de te faire étrangler, je mets des guillemets sur ce que je suis en train de dire, tu le vois d'un coup faire un petit « et cracher de nouveau un peu du sang, et se décaler sur le côté parce qu'il vient de se prendre un bon coup de dilacérateur dans le dos. Il faut imaginer un bout de lame qui se plante au niveau de la colonne vertébrale, c'est certainement pas agréable. À ce moment-là, il essaie de ramasser le premier truc qui lui va en tapotant avec sa main. Je vais lui permettre une deuxième action. Je lui dois au moins ça, au moins qu'il brille un peu avant qu'il clamse. Et récupère en fait la main de la machine de Hamsumo qui était posée sur le bureau, et il essaie de te frapper avec. Qui? Toi. Oh, t'as vu. Toi. Il en a qu'à toi, enfin. Oui. Les autres s'en foutent. Je tuerai même s'il faut que j'en crève. Bon, ouais, non, c'est bon, c'est ridicule. Enfin, oui, il tape avec, mais enfin, en vrai, il touche, mais. Tu sens pas grand chose, quoi. Enfin, tu t'en fous, quoi. Pour être honnête. C'est tellement. Ça en est devenu triste, maintenant. Oui, c'est ça, c'est. Moi, en fait, au moment où ça fait ça, j'ai dit, Mokosh, mon tu. T'en finis avec lui là parce que bon, on a autre chose à faire. En effet, vous voyez que les fois d'avant c'était presque rigolo, ça l'est encore, mais ouais, en effet, là on est vraiment plus dans le côté triste de la chose. Il est en train de s'acharner, mais c'est sans doute la pire de ses tentatives et sans doute la mieux préparée, très malheureusement. Très bien. Pas, je te recherche, tu vas mourir cette fois. Si Efflux n'utilise pas son tour pour faire des peu chose, il peut faire quoi que ce soit. Efflux il range en fait, tu sais, il est en train de ranger l'atelier, il y a des trucs qui sont tombés, il est là. Oh, non, c'est pas possible. Tu peux me prendre ma main, ça. Je suis surtout parti vers Grand Bouillot, gérer ça pour lui. Ouais, j'ai l'impression. Bambino. Ok. Parfait. Je vais quand même arriver autour de l'un d'entre eux qui va tenter de s'en prendre à toi. Alors je vais passer le dé. C'est terrifiant. Je sais pas si. On voit pas bien. Alors c'est pas celui-là, c'est ça là-bas. Et j'ai fait deux réussites et deux échecs critiques. Toric, fais-moi un petit jet de défense. On va quand même tenter. Attends, en défense c'est quoi? C'est deux. Celui-là je te l'autorise en ranger. Classique, alors ça va être un body mêlé. Body mêlé? Ouais. Oula. Tu pourrais tenter d'esquiver aussi, mais en vrai, vous êtes dans un espace assez réduit, donc c'est plus vraiment de la défense pure. Trois réussites. Ok. Tu Tu vois qu'il y en a un qui tente de s'en prendre à toi, t'arrives à parer le truc, enfin vous êtes en train de les écraser. Entre ceux qui se sont cassés parce que franchement ils ont dû être payés genre 20 lettres de change pour assister à... Enfin, escorter un gars commettre un meurtre et qui se rend compte qu'on leur a vraiment vendu de la merde, qui se sont cassés. Bon bah visiblement ceux qui restent sont peut-être plus dévoués mais pas meilleurs pour autant et bah, tu voilà juste enfin tu l'écartes, tu lui donnes quelques coups. En fait tu lui rends même plus la monnaie de sa pièce et puis bah, voilà. Bon, Mokosh. À ton tour, Mokosh. Fille-moi ça là s'il te plaît. Donc en vrai Mokosh là tu te prends quelques coups mais non il te blesse mais je vais pas faire de dégâts physiques parce que enfin et on peut pas comparer un coup de massue sur le crâne de quelques trucs comme ça qui sont en fait une arme plus gênant et qui vont peut-être te faire des petits bleus mais ou saigner un peu mais enfin c'est pas des vrais dégâts c'est, quoi. C'est gênant mais c'est pas blessant. Ouais c'est ça enfin c'est rien de grave quoi, c'est vraiment pas des trucs graves quoi. C'est ah, je te ferai une petite couture juste après. Ouais. Ok. Bon bah du coup pour qu'il arrête de me gêner la vue avec sa grande main métallique, ouais. Là bah, j'ai une barre de fer dans son bras à lui parce que l'enfer me tient. Pardon ? Je vais donner un coup dans son bras à lui, celui-là qui tient le bras en fer. Ok, parfait. Avec aucun respect pour le fait que ça pourrait complètement lui briser les os ou quoi, mais... Ouais, bien sûr. Oh, fait. Eh bien, fais-moi un nouveau c'est jet. Un... En vrai, vas-y, fais-moi un jet de body. Mais... Je vais pas user une défense active pour cette fois. J'ai fait 3. 3 réussites. Ok. Bah, il me semble qu'il faut faire autant que la défense, il me semble pas qu'il fallait faire forcément dessus. Et dans le pire des cas, bah, c'est pas grave. Du coup, en effet, tu lèves d'un coup la barre de fer, tu essaies de l'écarter vite fait, et d'un seul coup, tu essaies d'un violent coup, et pareil, clac, d'un seul coup, il lâche le gant, il pousse une espèce de hurlement, et en effet, tu sens que t'as sans doute pété un truc, là, genre vraiment, faut imaginer, toi, Flux, t'es en train de cacher les yeux et boucher les oreilles de Bambino à côté. Il faut imaginer le bruit que ça fait, hein, là le pfff, de la barre de fer qui fend l'air, et ensuite, clac, du truc qui s'éclate contre la chair humaine. Il y a quelques petites taches de sang qui commencent à recouvrir ses vêtements petit à petit. Son bras se met limite à pendre, il bouge plus du tout avec. À ce moment-là, il saisit de nouveau d'une espèce de petite dague, je sais pas si c'est la même qu'avant ou une autre, derrière, et qui, une espèce, tu sais, avec une voix légèrement atténuée par la douleur, dire. De toute façon, je suis ambidextre, il se jette sur toi. Okay. Moi, un gestio de mêlée également. Ça va être de la défense active. Et pour le coup, j'ai fait un plutôt bon jet, j'ai fait 5. Ok. Eh bien, il est mort. Enfin, c'est quoi de la défense, mais. Pour rappel, il y a des règles de contre-attaque. Hein, si jamais. Ouais. C'est 3 déclencheurs. Eh ben justement, j'ai 6 réussites, dont 3 déclencheurs. Ok, bon, tu vois le coup venir à des kilomètres, il est complètement ralenti. Tu soulèves ta barre de fer, mais tu prends le plus, on va dire, de puissance et de force que possible. Et où est-ce que t'assènes le coup? Et... dans l'épaule du même bras que j'ai cassé, sûrement. Ok. Putain, alors attends, parce que déjà je vais le désarmer parce que j'ai un peu envie de lui laisser quand même la chance peut-être de faire une entaille, je sais pas. Ok. Du coup, ça va commencer à faire très très très très mal parce que du coup, t'as le bonus en plus dû à. En effet, c'est ça exactement. Avec 3 déclencheurs, l'assaillant est blessé. Du coup, en effet, tu saisis ta barre. Et en fait, bah, c'est cool, il a un poignard, mais avec une barre de fer, t'as carrément plus de portée. Donc tu fais un pas en arrière, et tu lui éclates d'un seul coup sur l'épaule à nouveau. Et pareil, alors là, en plein milieu de l'épaule, donc il faut imaginer l'os qui se prend tout le truc dedans, en plus la barre de fer, c'est pas un truc bien droit, machin, il y a des petits bouts sur les côtés, des petits rouages, etc. Il y en a même un qui saute à l'occasion, allez, vas-y, se le prend dans l'œil. Et il pousse une espèce, pareil, de hurlement. Et cette fois-ci, il tombe au sol, genre vraiment, quasiment. Et il commence à hurler, mais tu vas crever, oui ou merde? C'est à moi là? Ouais. Ok. Bon, bah, j'arrive avec mon dilacérateur. Parce que là, je suis vraiment à bout, j'en ai marre. Je sens que le gars, il lâchera jamais. Il est vraiment jusqu'au boutiste. Donc, j'arrive avec mon dilacérateur. Pointe, j'imagine qu'il est peut-être un petit peu chancelant. Je sais pas s'il est par terre ou pas. Alors, lequel, celui qui s'en est pris à toi ou non, Jafar. Ouais, là, il est chancelant au sol devant moi. Ok, donc j'arrive à son niveau, je prends mon dilacérateur, pointe en avant, et je vise la gorge. Ok, vas-y, fais-moi un G. Bah, j'y arrive pas. Ah oui, en effet. Tu vois, t'essayes de le pointer, mais à ce moment-là, il y a son pote qui est sans doute un bien meilleur combattant que lui, oh, qui dévie ton coup sur le côté et qui commençait à donner une espèce de petit coup d'épaule. Il est châteux, je l'ai tout de suite. À ce moment-là, il profite de l'occasion et du fait que petit Mokosh a dû un peu se retenir le temps que la lame passe pour pas risquer de se la prendre. Il commence à se jeter sur le côté, mais du coup en mode fuite, en direction, donc encore une fois, tu sais, du côté un petit peu arrière sale, tu sais que j'aurais dû peut-être le décrire un petit peu plus de efflux. Et il retourne derrière l'autre drap, mais qui n'est pas celui qui entre la zone principale et la zone de travail, mais vraiment celui vers la zone, on va dire, enfin la petite zone réserve. C'est plus le drap qui est là en mode porte de placard, quoi. C'est là où il y a le suspense. Ah, attendez. C'est là où il y a le coffre, par exemple. Ouais, le coffre avec le disque. Ouais. Il vise jamais. Mais bon, il va pas tomber dessus, il faudrait qu'il ouvre le coffre. Oui, c'est dans le coffre. Tu vas pas se cacher dedans. Ça a pas l'air d'être un expert de l'intrusion. Et il se jette derrière, et d'un seul coup, le truc se referme. Alors, encore une fois, il n'y a aucune sortie. Il est juste allé se cacher derrière un rideau. Ouais, mais enfin, c'est même pas vraiment se cacher, vous savez qu'il est là, quoi. Enfin, je veux dire, c'est... Je sais pas ce qu'il en tête. Ok. Il reste qui d'autre dans le combat comme adversaire ? Hein ? Il reste qui d'autre dans le combat comme adversaire ? En vrai, il y en a un qui est un petit peu déter à combat torique, il y en a un autre qui s'est fait défoncer par casse-gueule. Le reste, c'est soit barré avant, soit il est en train de se barrer maintenant. Parce qu'ils se sont fait couper des doigts ou qu'ils ont flippé en voyant les autres se faire tabasser. Ouais, ils sont trois, quoi, en gros. Éventuellement aussi, c'est vrai que je l'ai pas indiqué, mais c'est rentré en jeu. Le fait que Mokosh ait poussé Jafar sur le plan de travail avec la machine d'Absumo qui a été révélée, mine de rien, c'est un petit peu induit que vous l'ayez défoncé, cette machine. C'était pas forcément, peut-être que vous l'auriez trouvé, mais... Enfin, c'est un peu inquiétant, tu dis, si jamais ils l'ont vraiment combattu, qu'ils l'ont vraiment battu, genre nous on a vraiment aucune chance, quoi. On est juste des bras cassés, on est juste bon à racketter des voyageurs non armés. Intimidés, quoi. Exactement, genre, on serait même pas bon à vraiment combattre, quoi. Enfin si, évidemment, mais minimum. C'est pas faute d'avoir prévenu, hein, genre... Donc en effet, ils sont tous à peu près en train de se mettre en déroute, sauf celui qui est au corps à corps avec Tori, qui lui ne semble pas vraiment prêter attention à ce qui se passe autour, il est dans son... Pareil, lui il est peut-être en train de mener sa vraie vie contre Tori, que ça se trouve vous êtes déjà rencontré mais tu t'en rappelles juste pas, et lui il t'en veut. On se souvient. Bon, j'y allais, Mokosh, finis-le s'il te plaît, on a des choses à faire. Il va te suivre tout le temps de toute façon. Ah, ça faisait quasiment 2 ans que vous l'aviez pas vu. IRL Wingame. Bon, eh bien je vais. Bah, je vais aller me diriger toujours avec ma barre de fer vers là-bas, je vais écarter le drap et je vais viser pour la tête pour lui craquer le crâne. Là, sa chance décidera de s'il survivra à ça ou pas. Au moment où tu tires le rideau, tu vois plus personne, à part simplement 4 caisses fermées. C'est un mini-jeu. C'est virus. Bon, je me rapproche de Mokosh. Il est toujours là, l'autre qui essaye de Torik, là. En vrai, non, Torik, lui, fout un coup, il tombe à la renverse et puis il y a Casse-Gueule qui lui saute dessus après avoir fini. Bah, de toute façon, après, quand il voit que. Honnêtement, quand il voit que son chef il est caché dans une caisse, je pense que. Le gars il a perdu toute crédibilité. Ah, oui, c'est, ah, c'est dommage, oui, c'est vrai que je voulais changer de musique à ce moment-là. Bah, c'est la musique de combat au petit. Non, du coup, moi je me rapproche de mon coche. Et forcément, je vois les 4 caisses et qu'il n'y a personne. Juste avec mon dilacérateur, je vais juste ouvrir une des caisses avec la pointe. Comme ça. Je vais rien faire, je vais juste l'ouvrir et pour montrer à vos coches s'ils voient quelque chose. On va faire un petit jeu. j'ai pas envie de tricher le truc. On va faire des caisses A, B, C et D. Je vais lancer un dé sur 1, 2, 3, 4, je l'attribue à soit A, B, C, D, ou sinon je relance et je fais 5 ou 6. On va dire avant où il est. Quelle caisse s'ouvre, Torek ? La A, la B ou la C ou la D ? La D. Ok. C'est celle-là. Tu soulèves la D avec ton dilacérateur. Et vous voyez une petite tête. J'ai fait 4, mon dé. Tu vois la petite tête dépasser et t'entends un petit. Bon, ok, je me rends. Bon, je vais. En train de se passer. Je peux pas le tuer comme ça, c'est pas accessible. Non, mais surtout que tu vas saloper les caisses de Flux après. Donc, Ouais, non. Je vais le choper par les cheveux pour le sortir de sa caisse. Je vais le plaquer au sol. Et je vois qu'il a l'air d'avoir l'épaule détruite. Tu l'as avec une autre chèvre à côté. De voir super mal. Bah, et l'épaule et le bras. Hein. S'il faut pour le garder au sol, je pose mon genou sur son épaule. Ouais, tu le plaques. Tu vois qu'il a, il essaie à peine de se débattre, genre. Je fais signe à quelqu'un, peut-être Torix, s'il veut m'assister, d'aller me chercher mon épée. Oh, j'y vais, hein. Je te la donne. Alors, c'est comme ça que je vais mourir. Au combat. Il en voyant l'épée arriver. Hein. Ouais. Soit, alors j'accepte mon destin. Au moins, je mourrai en héros. Oui. Ouais, simplement, je vais prendre l'épée dans les mains. Je vais dire, c'est pas aujourd'hui que tu meurs, mon petit. Et je vais juste sortir donc le fameux pommeau avec la dague dedans. L'attirail de tatouage qu'il y a à l'intérieur. Normalement, vous savez, les anabaptistes planquent une espèce de dague dans le pommeau de leurs espadons. Mmh. Bien, Mokosh a décidé de le changer pour un attirail de tatouage. De tatouage. Au moment où tu ressors le truc. Alors, de tatouage, il faut pas imaginer le salon de tatouage de 2020, dernier cri. Ouais. Imaginez la grosse aiguille avec de à côté des espèces de trucs d'encre, machin, de pigments qu'elle a récupéré, qu'elle a mis de côté. C'est simple. Et je vais marquer mon nom sur son front. Elle le plaque au sol. Et vous voyez, mais qu'est-ce que tu fais ? À ce moment-là, elle s'empare de l'aiguille. Et lui, il s'attend peut-être à ce qu'elle lui crève un œil. D'ailleurs, j'avais dit, il s'était reçu un bout de la barre de fer, une espèce de truc qui s'était détaché, qui était propulsé dans son œil. Il a l'air d'avoir un œil globalement fermé. Vous savez pas trop s'il va le garder. Et Mokosh commence à lui tatouer simplement son prénom. L'autre commence à essayer de se débattre, alors il bouge, ça lui facilite pas la tâche. Elle lui plaque finalement la tête au sol avec son autre main, et puis au bout d'un moment, il commence à arrêter de se débattre et accepte son sort. Et une fois que c'est terminé, je vais juste le jeter dehors. Juste ouvrir la porte, le mettre dehors et refermer derrière. Au moment où tu ouvres la porte dehors, tu vois qu'il y a même pas ses potes qui sont restés. Tu le jettes par terre, en plein milieu de la grosse bourrasque. Il a même pas de masque, tu refermes la porte derrière. Ça cicatrisera plus vite. Vous autres, qu'est-ce que vous faites ? Mais moi, je vais me rapprocher quand même de Mokosh et juste jeter un œil à ces petites coupures qu'elle a sur la tête, juste pour voir dans quel état c'est, quoi. Ok. Eh bien, fais-moi pareil un petit jet de médecine. En effet, tu vois qu'elle s'est pris un coup au niveau du crâne, que ça s'est légèrement ouvert et que ça saigne un petit peu. 4. Mais c'est rien de très très grave. Pardon, t'as fait 4. Réussite, aucun déclencheur. Quatre. Non, donc, malheureusement. Nier de 1. C'est déjà ça. En effet, tu lui mets un espèce de petit bandage. Et en vrai, je vais même accorder un deuxième soin. Encore une fois, c'était pas vraiment grand chose. Les seules blessures qu'elle a vraiment, c'est les restes de la dernière. D'accord. Flux, est-ce que tu souhaiterais faire moins cette fois, il laissera peut-être une cicatrice. Ouais. De quoi, Flux? De quoi? Pardon, excusez-moi. Est-ce que tu souhaiterais faire quelque chose? Non. Enfin, si, j'allume la lumière et. Bon, je préparais une petite collation. Ok. Histoire de vous remettre de ces sensations, tu vois que... Alors oui, j'en profite, évidemment, vous êtes débarrassé aussi des mecs allongés par terre. Oui. Voilà, vous les laissez pas là, quoi. Vous voyez qu'Azigal, lui, semble s'être relativement défoulé. Presque un peu trop, même. Tandis que son frère, lui, était un petit peu inquiet, mais finalement pas trop. Bon, mine de rien, il y a quand même l'inquiétude de gens qui sont rentrés chez vous. Et vous avez Marie qui, elle, regarde... à l'intérieur des caisses qu'on vous avait offert ce matin et qui lance une injure en hibris espagnol puisqu'en effet aucune d'entre elles ne semble contenir la moindre trace de nourriture. On pourra se plaindre d'hôpital, hein. Ouais. C'est quand même impressionnant en vrai qu'ils aient réussi à passer par l'hôpital pour rentrer dans les caisses. Faites-moi un petit jet de perception, donc d'instant perception. Est-ce que c'était vraiment hospitalier? Ah merde. Perception. 3 réussites dont un déclencheur. En effet, avec du recul, vous vous dites que vu que l'hospitalier en question portait un masque qui cachait son visage, si jamais il avait en effet, on va dire, quelques traits légèrement géométhane, enfin. C'est pas vraiment des traits, puisque c'est un culte, mais je veux dire... En soi, vous voyez pas vraiment de qui il s'agissait. Donc en fait... Ah, désolé, Flux. Oh, moi non plus, hein. J'ai pas fait de gêne non plus, mais... Ouais. Si ça suffit. Toi, après, pourri que t'étais pas vraiment là, en soi... Moko, je suis plus aperçu par les traits entre la porte au moment où ils sont rentrés. Mais vous pouvez supposer qu'en fait, ça se trouve, c'était pas de vrais spitaliers. En tout cas, ils avaient la tenue, ça c'est sûr. Mais, difficile de s'en assurer, tu vois... Sans doute qu'un Jamedan qui serait passé pour un hospitalier pourrait se faire remarquer par un œil un peu habitué, par exemple, si c'est mal rasé ou autre. Mais forcément, quand il y a un masque, quand il y a quelques rafales, même si bon, c'était pas la pleine tempête, c'est tout de suite moins aisé.